je te parie qu'on va battre tous les records. La vie fait du charivari, te plumer un peu encore. Allez, je te parie que ce soir ma chance est en veine. Je laisse au hasard mes ennuis aux innocents les mains pleines. Hey, rien ne va, rien ne va plus ici à Manhattan. Hey, rien qu'à vous, faites vos jeux, ici la roue tourne. Les jeux sont faits pour moi. Rassure-toi, je vais assurer. Rien ne me va plus que tout ça. Allez, c'est juré. On pourrait bien se faire la belle. Et nos dettes seront essuyées. On pariera de plus belle. Hey, rien ne va, rien ne va plus ici à Manhattan. Hey, rien qu'à vous, faites vos jeux. Ici la roue tourne. Hey, lancez-les, c'est décidé. À chacun sa chance. Hey, rien ne va, rien ne va plus. Ici à Manhattan.